Chapitre 59. Un jour, je reçus une lettre qui m'appelait au secours. Elle était très simple et ressemblait beaucoup à celle d'un enfant. « Mon bon frère, je ne sais comment vous dire, mais c'est vrai, je me suis mis à boire. Aussi, je ne voulais pas demeurer dans Brest, vous le savez bien, car j'avais peur de cette chose. J'ai déjà été puni 3 fois de fer à la réserve, et maintenant je ne sais plus comment me débarrasser du bâtiment, car je vois bien qu'en restant à bord, il m'arrivera quelque malheur. » Mais il me semble que si je pouvais embarquer encore près de vous, ce serait tout à fait ce qu'il me faudrait. Mon bon frère, puisque vous êtes bientôt pour repartir, si vous pouviez venir à Brest pour me prendre, je serais bien mieux qu'ici, et pour sûr cela me sauverait. Vous m'avez fait bien mal en me disant sur votre lettre que je n'aimais pas ma femme ni mon fils. Car pour elle et mon petit Pierre, je ferais tout. Oui, mon bon frère, j'ai pleuré, et je pleure encore dans le moment que je vous écris. Et je ne vois plus avec les larmes qui me sont dans les yeux. Je n'espère que vous voir venir. Je vous embrasse de tout mon cœur en vous priant de ne pas oublier votre frère malgré tous les chagrins qu'il vous donne. Bien à vous, signé Yves Kermadec. Chapitre 60. Un dimanche de décembre, je revins à Brest sans être annoncé, et je descendis dans le quartier bas de la Grand-Rue, cherchant la maison d'Yves. En lisant les numéros des portes, je longeai toutes ces hautes constructions de granit, qui sont d'anciennes maisons de riches tombées aux mains du peuple. En bas, partout, des cabarets ouverts. En haut, des fenêtres à rideaux de pauvres, avec de dernières fleurs maladives sur les appuis, des chrysanthèmes morts dans les pots. C'était le matin. Des bandes de matelots circulaient déjà dans leurs belles tenues propres, chantant, commençant la fête du dimanche. On respirait une brume blanche, une fraîcheur humide, sensation nouvelle de l'hiver. Comme j'arrivais de l'Adriatique, encore ensoleillé, les teintes de ce Brest me semblaient plus grises. Au numéro 154, au-dessus de l'enseigne, à la pensée du beau canonnier. Je montai 3 étages d'un vieil escalier immense et trouvai la chambre des Kermadec. On entendait de la porte le bruit régulier d'un berceau. Petit Pierre, bien gâté tout de même, avait gardé cette habitude de se faire endormir, et Yves, seul avec son fils, était assis près de lui, le berçant d'une main très lentement. Il leva son regard triste, ému de me voir, mais osant à peine venir à moi, son expression disant « Ah oui, frère, je sais, vous venez pour me prendre. C'était bien ce que j'avais demandé, mais je ne vous attendais peut-être pas si vite, et de m'en aller, cela va me faire souffrir. » Physiquement, Yves avait changé beaucoup. Il était devenu plus pâle à l'abri du hâle de mer. Son expression était différente, moins assurée, et presque douloureuse. Il avait souffert, on le voyait bien, mais sur sa figure, toujours marmoréenne, incolore, le vice n'avait pu imprimer aucune trace. Je regardais tout autour de moi avec une impression de surprise et un serrement de cœur. En effet, je n'avais pas prévu ce que pourrait être à terre et dans une ville le logis de mon frère Yves. Il était bien différent de ces logis de mer, où je l'avais longtemps connu, les unes pleines de vent et de soleil. Ici maintenant, au milieu de ces réalités pauvres, je me trouvais comme lui sans doute dépaysé et mal à l'aise. Marie était dehors, à la fontaine, et petit Pierre dormait bien, ses longs cils de petit enfant reposés sur ses joues. Nous étions seuls l'un devant l'autre, et comme il avait peur de se retrouver ainsi en face de moi, vite il parla d'embarquement, de départ. Une permutation sur la liste me mettait à Brest le premier à partir. On allait armer 2 ou 3 bateaux, pour la station de Chine, pour les mers du Sud, pour le Levant, et il fallait s'attendre d'une heure à l'autre à une de ces destinations-là. La semaine qui suivit fut une de ces périodes agitées, comme on en traverse souvent dans les existences maritimes, vivrant qu'en volant à l'hôtel dans le désordre des mâles à moitié défaites, ignorant la route qu'on prendra demain, s'occuper d'une quantité de choses, services au pont et préparatifs de campagne, et puis des allées et venues, des démarches pour Yves, afin de le retirer de cette réserve et de le garder sous ma main, prêt à partir avec moi. Les journées de décembre, très courtes, très sombres, s'enfuyaient vite. Je montais souvent 4 à 4 le vieil escalier sordide des Kermadec, et Marie, toujours anxieuse des premiers mots que j'allais dire, me souriait tristement avec une confiance respectueuse et résignée, attendant ma décision. Chapitre 61. En rade de Brest, 23 décembre 1880. Une nuit de décembre, claire et froide. Un grand calme sur la mer, un grand silence à bord. Dans une très petite chambre de navire, qui est peinte en blanc et qui a des murs de terre, Yves est assis près de moi sur des malles, des caisses ouvertes. C'est encore le désarroi de l'arrivée. Il faudra s'installer et se faire un chez-soi dans ce réduit qui va bientôt nous promener au milieu des lames ou des houles de l'hiver. Tous ces embarquements prévus, ces longues campagnes projetées, n'ont pas abouti. Et je me trouve tout simplement sur cette Sèvre qui ne quittera pas les côtes bretonnes. Depuis ce matin, Yves est de l'équipage, et nous voilà ensemble encore à la vue humaine pour un an. Étant donné notre métier, c'est là un bonheur qui nous arrive. Nous pouvions d'un moment à l'autre nous quitter pour toujours. Et Yves a donné joyeusement 100 francs de sa bourse au marin, qui a consenti à lui céder sa place. Va pour cette Sèvre, puisque le sort nous y a jetés. Cela nous rappellera le temps déjà lointain où nous naviguions tous deux sur la mer brumeuse protégée par le clocher à jour. Mais j'aurais mieux aimé être envoyé ailleurs, quelque part au soleil. Pour Yves surtout, j'aurais voulu l'emmener plus loin de Brest, plus loin des mauvais amis et des tavernes de la côte. Chapitre 62. En mer, 25 décembre, Noël. C'était le surlendemain de très bonne heure, au petit jour. Je montais sur le pont, ayant à peine dormi un moment, après un quart de minuit à 4 heures très dures. Nous avions été malmenés toute la nuit par grand vent et grosse mer. Yves était là, tout mouillé, mais très à son aise dans son élément. Et dès qu'il me vit paraître, il me montra de la main en souriant un pays singulier duquel nous nous approchions. Des falaises grises muraient les lointains de l'horizon comme un long rempart. Une espèce de calme venait de se faire dans les eaux, bien que le vent continuât de nous envoyer sa poussée furieuse. Au ciel, des nuées sombres et lourdes glissaient les unes sur les autres, très vite. Toute une voûte de plomb en mouvement. Des choses immenses, obscures, qui se déformaient, qui semblaient très pressées de passer, de courir ailleurs, comme prises du vertige de quelque chute prochaine et formidable. Autour de nous, des milliers d'écueils, des têtes noires qui se dressaient partout au milieu de cet autre remuement argenté que les lames faisaient. On eût dit d'immenses troupeaux de bêtes marines. À perte de vue, il y en avait toujours de ces dangereuses têtes noires. La mer en était couverte. Et puis là-bas, sur la falaise lointaine, les silhouettes de 3 clochers très vieux, ayant l'air plantés là tout seuls au milieu d'un désert de granit, l'un dominant de beaucoup les deux autres et dressant sa haute taille comme un géant qui observe et qui préside. Ah oui, je le connaissais bien, celui-là, et comme Yves, je le saluais d'un sourire, un peu inquiet cependant de le voir reparaître si près de nous, et au milieu de cette fête de ténèbres, un matin où je ne l'attendais pas. Qu'étions-nous venus faire là, dans son voisinage? Cela n'entrait pas dans nos projets, je ne comprenais plus. C'était une décision brusque du commandant, prise pendant mon heure de sommeil. Venir à l'entrée de la rade du Taureau, tout près de Saint-Paul-de-Léon, chercher un abri contre le vent du sud, la mer au large s'étant faite trop grosse pour nous. Et voilà comment, à son retour dans la mer brumeuse, la première visite d'Yves fut pour son clocher. Chapitre 63. Cherbourg, 27 décembre 1880. À 7 heures du matin, on me rapporte Yves au fond d'un canot, ivre mort. Ce sont d'anciens amis des gabiers de la Vénus qui l'ont traîné toute la nuit dans les bouges pour fêter leur retour des Antilles. Je suis de quart. Personne encore sur le pont. Seulement quelques matelots qui font leur fourbissage. Mais des dévoués ceux-là connus de longue date et sur qui on peut compter. 4 hommes l'enlèvent, le descendent furtivement par un panneau et le cachent dans ma chambre. Mauvais début à bord de cette Sèvre où je l'avais pris sous ma garde, comme en punition. Et où il avait promis d'être exemplaire. Cette idée sombre me venait pour la première fois qu'il était perdu, bien perdu, malgré tout ce que je pourrais tenter pour le sauver de lui-même. Et aussi cette autre réflexion, plus désolante encore, que peut-être il lui manquait quelque chose dans le cœur. Tout le jour, Yves ressemble à un mort. Il a perdu son bonnet, son porte-monnaie, son sifflet d'argent, et s'est fait un trou dans la tête. Vers 6 heures du soir seulement, il donne signe de vie. Comme un enfant qui se réveille, il sourit. Il est encore ivre, sans cela il ne sourirait pas. Il demande à manger. Alors je dis à Jean-Marie, mon domestique fidèle, un pêcheur d'Audierne, « Va-t'en à l'office du carré lui chercher de la soupe. » Jean-Marie apporte cette soupe, et Yvella, qui tourne, retourne sa cuillère, n'ayant plus l'air de se rappeler par quel bout ça peut bien se prendre. « Allons, Jean-Marie, fais-le manger, va. »« Elle est trop salée, » dit Yves tout à coup, se reculant, faisant la grimace, l'accent très breton, les yeux encore à moitié fermés. « Trop salée, trop salée. » Puis il se rendort, et Jean-Marie et moi nous éclatons de rire. J'étais fort triste pourtant, mais cette idée et cet aplomb d'enfant gâté étaient bien drôles. Le soir à 10 heures, Yves, revenu à lui-même, se leva furtivement et disparut. Pendant 2 jours, il se tint caché sur l'avant du navire, dans le poste de l'équipage, ne montant que pour son quart et pour la manœuvre, baissant la tête, n'osant plus me voir. Oh, ces résolutions qu'on a reprises 20 fois, qu'on n'a pas su tenir! On n'ose plus les reprendre encore, ou du moins on n'ose plus le dire. Et on s'affaisse, inerte, laissant passer les jours, attendant le courage et l'estime de soi-même, qui ne reviennent pas. Peu à peu, cependant, nous avions retrouvé notre manière d'être habituelle. Je l'appelais le soir, et il venait faire auprès de moi cette longue promenade automatique des marins, qui dure des heures entre les mêmes planches. Nous causions à peu près comme autrefois, sous le vent triste, sous la pluie fine. C'était bien toujours sa même façon, à la fois très naïve et très profonde, de penser et de dire, c'était la même chose avec je ne sais quelle contrainte, quelle glace entre nous deux, qui ne pouvait plus se fondre. J'attendais un mot de repentir qui ne venait pas. L'hiver s'avançait, cet hiver de la Manche qui enveloppe tout, les idées, les êtres et les choses. Dans le même crépuscule gris, les grands froids sombres étaient arrivés, et nous faisions notre promenade de chaque soir plus vite, pressant le pas sous le vent humide de la mer. Quelquefois j'avais envie de lui dire en serrant sa main bien fort, « Allons frère, je t'ai pardonné. Va, n'y pensons plus. » Cela s'arrêtait sur mes lèvres. Après tout, c'était à lui de me demander pardon. Et alors je gardais une espèce de froideur hautaine qui l'éloignait de moi. Non, cette sèvre décidément ne nous réussissait pas. Chapitre 64. Petit Pierre est à Plouhirzel, qui essaye de jouer devant la porte de sa grand-mère. Tout dépaysé en regardant là-bas cette nappe d'eau immobile, avec cette grande forme de bête, qui semble dormir au milieu derrière un voile de brume. On est bien au grand air ici, mais le vent y est plus âpre qu'à Toulven, la campagne plus désolée, et les enfants sentent tout cela d'instinct. En présence des tristesses des choses, ils ont des mélancolies et des silences involontaires, comme les petits oiseaux. Voilà bien 2 petits camarades qui arrivent d'une chaumière voisine, pour le voir, lui, le nouveau venu. Mais ce ne sont plus ceux de Toulven, ceux-ci. Ils ne connaissent pas les mêmes jeux. Les quelques petits mots qu'ils savent dire ne sont plus du même breton. Alors, n'osant pas trop ni les uns ni les autres, ils sont là, tous 3, qui s'observent avec des petits sourires, avec des petites mines comiques. C'est hier que Petit Pierre est arrivé à Plouhirzel avec Marie Kermadec. Yves a écrit à sa femme de faire bien vite ce voyage. Une idée lui est venue tout d'un coup, un espoir, que cela les réconcilierait peut-être avec sa mère. C'est que la vieille femme, toujours dure et volontaire, après avoir d'abord refusé net son consentement à leur mariage, ne l'a donné ensuite que de mauvaise grâce, et depuis ne veut plus seulement faire réponse à leurs lettres. Pauvre vieille délaissée. De 13 enfants que Dieu lui avait donnés, 3 sont morts tout petits. Sur 8 garçons qui ont grandi, tous marins, la mère lui en a pris 7. 7 qui ont disparu dans des naufrages, ou bien qui ont passé à l'étranger, comme Gildas et Goulven. Ses filles mariées, dispersées. Des 2 plus jeunes qui demeuraient au logis, l'une a épousé à un Islandais, qui l'a emmené à Tréguier. L'autre, la tête tournée de religion, s'est mis en l'esprit d'entrer au couvent des dames de Saint-Gildas du Secours. Restait la toute petite, l'enfant abandonné de Goulven. Ah, elle s'était mise à la chérir, celle-là. Une fille naturelle, cependant. Mais la dernière épave de ce long naufrage qui lui avait emporté, l'un après l'autre, tous les autres. La petite aimait aller regarder la marée monter, au bord du lac d'eau marine. On le lui avait défendu, pourtant. Mais un jour, elle y était allée toute seule, et on ne l'a plus vue revenir. La marée suivante a rapporté un petit cadavre raidi, une petite fille de cire blanche, qu'on a couchée près de la chapelle, sous une croix de bois et une bosse de gazon vert. Elle avait encore un espoir en son fils Yves, le dernier, le plus chéri, parce qu'il était resté le plus longtemps au foyer. Peut-être au moins celui-là reviendrait-il quelques jours habiter près d'elle. Mais non, cette Marie Kéréménène le lui avait pris. Et en même temps, chose qui comptait aussi dans sa rancune, elle lui avait enlevé l'argent que ce fils lui envoyait autrefois pour l'aider à vivre. Et depuis 2 ans, elle était seule, toute seule, jusqu'à son dernier jour. Pour obéir à Yves, Marie est venue hier, après 2 journées de voyage, frapper à cette porte avec son enfant. Une vieille femme aux traits durs, qu'elle a reconnue tout de suite sans jamais l'avoir vue, est venue lui ouvrir. « Je suis Marie, la femme d'Yves. Bonjour, ma mère. »« La femme d'Yves, la femme d'Yves. Et alors, c'est donc le petit Pierre, celui-ci? C'est donc mon petit-fils ?» Tout de même, son œil s'était adouci en regardant ce petit-fils. Elle les avait fait entrer, bien manger, bien se chauffer. Il leur avait préparé son meilleur lit. Mais c'est égal, c'était toujours un froid, une glace que rien ne pouvait fondre. Dans les coins, en se cachant, la grand-mère embrassait son petit-fils avec amour. Mais devant Marie, jamais, toujours raide, revêche. Quelquefois, on causait d'Yves, et Marie disait timidement que depuis leur mariage, ils se corrigeaient beaucoup. « Tra-la-la-la-la, se corriger !» répétait la vieille mère en prenant son air mauvais. « Tra-la-la-la-la, ma fille, se corriger ? C'est la tête de son père, c'est la même chose, c'est tout pareil, et vous n'avez pas fini d'en voir avec lui. Moi, je vous le dis. » Alors la pauvre Marie, le cœur gros, ne sachant plus que répondre, ni que dire tout le long du jour, ni que faire d'elle-même, attendait avec impatience le temps fixé par Yves pour repartir. Et bien sûr, elle ne reviendrait plus. Chapitre 65. Au sortir de Paimpol, Marie est remontée avec son fils dans la diligence qui s'ébranle et les emmène. Par la portière, elle regarde sa belle-mère, qui est tout de même venue de Plouerzel les conduire jusqu'à la ville. Mais qui leur a dit un bonjour glacial, un bonjour bref à faire mal au cœur. Elle la regarde, et elle ne comprend plus. La voilà qui court maintenant, qui court après la voiture. Et puis sa figure qui change, qui leur fait comme une grimace. Qu'est-ce qu'elle leur veut? Et Marie regarde presque effrayée. Elle grimace toujours. Ah, c'est qu'elle pleure. Ses pauvres traits se contractent tout à fait. Et voici les larmes qui coulent. Elles se comprennent maintenant toutes les deux. « Pour l'amour de Dieu, faites arrêter la voiture, monsieur, » dit Marie à un Islandais qui est assis près d'elle et qui a compris lui aussi, car il passe son bras au travers du petit carreau de devant et tire le conducteur par sa manche. La voiture s'arrête. La grand-mère, qui a toujours couru, est là derrière, à toucher le marchepied. Elle leur tend les mains et sa figure est toute baignée de larmes. Marie est descendue, et la vieille femme la serrant dans ses bras, l'embrassant, embrassant petit Pierre. « Oh, ma chère fille, que le bon Dieu t'accompagne !» Et elle pleure à sanglots. « Voyez-vous, ma fille, avec Yves, il faut être très douce, le prendre par le cœur. Vous verrez que vous pourrez être heureuse avec lui. Moi, j'ai peut-être trop montré les gros yeux à son pauvre père. Dieu vous bénisse, ma chère fille !» Et les voilà unis dans le même amour pour Yves et pleurant ensemble. « Allons, les femmes !» crie le conducteur. « Quand vous aurez fini de frotter vos museaux !» Il faut arracher l'une de l'autre. Et Marie, rassise dans son coin, regarde en s'éloignant avec ses yeux pleins de larmes la vieille femme qui s'est apaisée en sanglotant sur une borne, tandis que petit Pierre, avec sa petite main potelée, lui fait adieu par la portière. Chapitre 66. 1er janvier 1881. Au fond de l'arsenal de Brest, un peu avant le jour, le premier matin de l'année 1881, un lieu triste, ce fond de port. La Sèvre y était amarrée depuis une semaine. En haut, le ciel avait commencé à blanchir, entre les grands du muraille de granit qui nous enfermait. Les réverbères, très rares, donnaient dans la brume leur dernière petite lumière jaune, et on voyait déjà des silhouettes de choses formidables qui se dessinaient, éveillant des idées de rigidité méchante, des machines haut perchées, des ancres énormes dressant leurs pattes noires, toutes sortes de formes indécises et laides, et puis des navires désarmés, avec leurs gigantesques tournures de poissons, immobiles sur leurs chaînes, comme de gros monstres morts. Un grand silence dans ce port et un froid mortel. Il n'y a pas de solitude comparable à celle des arsenaux de la marine de guerre pendant les nuits, surtout pendant les nuits de fête. Aux approches du coup de canon de retraite, tout le monde s'enfuit comme d'un lieu pestiféré. Des milliers d'hommes sortent de partout, grouillant comme des fourmis, se hâtant vers les portes. Les derniers courent pris d'une frayeur d'arriver trop tard et de trouver les grilles fermées. Le calme se fait, et puis la nuit, plus personne, plus rien. De loin en loin, une ronde passe, ailé par les sentinelles et disant tout bas les mots convenus. Et puis le peuple silencieux des rats débouche de tous les trous, prend possession des navires déserts, des chantiers vides. De garde à bord depuis la veille, je m'étais endormi très tard, dans ma chambre glaciale aux murailles de fer. J'étais inquiet d'Yves, et cette nuit-là, ces chants, ces cris de matelots qui m'arrivaient de très loin, des mauvais quartiers de la ville, m'apportaient une tristesse. Marie et le petit Pierre étaient à faire leur voyage à Pluerzel en goéland, et lui, Yves, avait voulu quand même passer cette soirée à terre dans Brest, pour fêter le nouvel an avec d'anciens amis. J'aurais pu l'arrêter en le priant de rester, me tenir compagnie, mais toujours cette glace entre nous deux, qui persistait. Je l'avais laissé partir. Et cette nuit du 31 décembre, c'est précisément la nuit dangereuse, où il semble que tout ce Brest soit pris d'un vertige d'alcool. En montant sur le pont, je saluais assez tristement ce premier matin de l'année nouvelle. Et je commençais la promenade machinale, les 100 pas du car, en songeant à 1000 choses passées. Surtout, je songeais beaucoup à Yves, qui était ma préoccupation présente. Depuis 15 jours sur cette Sèvre, il me semblait voir lentement s'en aller d'heure en heure l'affection de ce frère simple qui avait été longtemps mon seul vrai ami au monde. D'ailleurs, je lui en voulais durement de ne pas savoir mieux se conduire, et il me semblait que moi aussi je l'aimais moins. Un oiseau noir passa au-dessus de ma tête, jetant un croassement lamentable dans l'air. « Allons bon, » dit un matelot, qui faisait dans l'obscurité sa toilette matinale à grande eau froide. « En voilà un qui nous souhaite la bonne année, sale bête de malheur. Ah bien, c'est signe que nous en verrons de belles. » Yves rentra à 7 heures, marchant très droit, et répondit à l'appel. Après, il vint à moi, comme de coutume, me dire bonjour. À ses yeux un peu ternis, à sa voix un peu changée, je vis bien vite qu'il n'avait pas été complètement sage. Alors je lui dis d'un ton de commandement brusque, « Yves, il ne faudra pas retourner à terre aujourd'hui. » Et puis j'affectais de parler à d'autres, ayant conscience d'avoir été trop dur et mécontent de moi-même. Midi. L'arsenal, les navires se vidaient, se faisaient déserts comme les jours de grandes fêtes. De partout, on voyait sortir les matelots, bien propres dans leur tenue des dimanches, s'époussetant d'une main empressée, s'arrangeant les uns aux autres leurs grands cols bleus, et vite, d'un pas alerte, gagnant les portes, s'élançant dans Brest. Quand vint le tour de ceux de la Sèvre, Yves parut avec les autres, bien brossé, bien lavé, bien décolleté, dans ses plus beaux habits. « Yves, où vas-tu ? » Lui me regarda d'un mauvais regard, que je ne lui connaissais pas, et qui me défiait, et où je lisais encore la fièvre et l'égarement de l'alcool. « Je vais retrouver mes amis, dit-il, des marins de mon pays, auxquels j'ai promis et qui m'attendent. » Alors j'essayais de le raisonner, le prenant à part, obligé de dire tout cela très vite, car le temps pressait, obligé de parler bas et de garder un air très calme, car il fallait dissimuler cette scène aux autres qui étaient là tout près de nous. Et je sentais que je faisais fausse route, que je n'étais plus moi-même, que la patience m'abandonnait. Je parlais de ce ton qui irrite, mais qui ne persuade pas. « Oh, si je vous jure, j'irai, » dit-il à la fin en tremblant, les dents serrées. « À moins de me mettre au fer aujourd'hui, vous ne m'en empêcherez pas. » Et il se dégageait, me bravant en face pour la première fois de sa vie, s'en allant pour rejoindre les autres. « Au fer, eh bien oui, Yves, tu iras. » Et j'appelais un sergent d'armes, lui donnant tout haut l'ordre de l'y conduire. Oh, ce regard qu'il me jeta en se rendant au fer, obligé de suivre le sergent d'armes qui l'emmenait là, devant tout le monde, de descendre dans la cale avec ses beaux habits du dimanche. Il était dégrisé, assurément, car il regardait profond, et ses yeux étaient clairs. Ce fut moi qui baissai la tête sous cette expression de reproche, d'étonnement douloureux et suprême, de désillusion subite et de dédain. Et puis je rentrai chez moi. Était-ce fini entre nous deux ? Je le croyais. Cette fois, je l'avais bien perdu. Avec son caractère breton, je savais qu'Yves ne reviendrait pas. Son cœur, une fois fermé, ne se rouvrirait plus. Je venais d'abuser de mon autorité contre lui, et il était de ceux qui, devant la force, se cabrent et ne cèdent plus. J'avais prié l'officier de garde de me laisser pour ce jour-là continuer le service, n'ayant pas le courage de quitter le bord, et je me promenais toujours sur ses éternelles planches. L'arsenal était désert entre ses grands murs. Personne sur le pont, des chants très lointains arrivant des basses rues de Brest, et en bas dans le poste de l'équipage, la voix des matelots de garde, criant à intervalles réguliers les nombres du loto avec toujours ces mêmes plaisanteries de bord qui sont très vieilles et qui les font rire. 22, les deux fourriers à la promenade. 33 les jambes du maître coq. Et mon pauvre Yves était au-dessous d'eux, à fond de cale, dans l'obscurité, étendu sur les planches par ce grand froid, avec la boucle aux pieds. Que faire? Donner l'ordre de le mettre en liberté et de me l'envoyer? Je devinais parfaitement ce qu'elle pourrait être cette entrevue. Lui debout, impassible, farouche, m'ôtant très respectueusement son bonnet, et me bravant par son silence, en détournant les yeux. Et puis, s'il refusait de venir? Et il en était très capable en ce moment. Alors, ce refus d'obéissance, comment le sauver de là ensuite? Comment le tirer de ce gâchis que j'aurais été commettre entre nos affaires à nous et les choses aveugles de la discipline? Maintenant, la nuit tombait. Il y avait près de 5 heures qui m'étaient offertes. Je songeais au petit Pierre et à Marie, aux bonnes gens de Toulven, qui avaient mis leur espoir en moi, et puis à un serment que j'avais fait à une vieille mère de Plouerzel. Surtout, je sentais que j'aimais toujours mon pauvre Yves comme un frère. Je rentrai chez moi et vite je me mis à lui écrire. Ce devait être le seul moyen entre nous deux. Avec nos caractères, les explications ne nous réussissaient jamais. Je me dépêchais, j'écrivais en très grosses lettres, pour qu'il pût lire encore. La nuit venait vite et dans l'arsenal, la lumière est chose défendue. Et puis je dis au sergent d'armes. « Allez, cherchez Kermadec et amenez-le, parlez à l'officier de quart, ici, dans ma chambre. » J'avais écrit. « Cher frère, je te pardonne, et je te demande de me pardonner aussi. Tu sais bien que nous sommes frères maintenant et que, malgré tout, c'est à la vie, à la mort entre nous deux. Veux-tu que tout ce que nous avons fait et dit sur la Sèvre soit oublié? Et veux-tu essayer encore une fois une grande résolution d'être sage? Je te le demande au nom de ta mère. Écris seulement oui au bas de ce papier, veux-tu? Et tout sera fini, nous n'en reparlerons plus. » Signé Pierre. Quand Yves se présenta sans le regarder ni attendre de réponse, je lui dis simplement « Lis ceci que je viens d'écrire pour toi. » Et je m'en allai le laissant seul. Lui fut vite parti, comme s'il avait eu peur de mon retour. Et dès que je l'entendis s'éloigner, je rentrai pour voir. Au bas de mon papier, en lettres encore plus grosses que les miennes, car la nuit arrivait toujours, il avait écrit « Oui, frère » et signé Yves.